1958, Hannah Arendt propose avec son livre « Conditions de l'homme moderne » de penser ce que nous faisons. Entendez par là de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Et parmi celles-ci, l'œuvre. Que reste-t-il des œuvres à une époque où nous voici envahis par des objets de consommation ? Peut-on encore œuvrer dans une société dominée par la rapidité et l'épuisement du travail ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que faire œuvre ? Quel est d'après vous l'héritage du XXe siècle ? Vous êtes jeune, je suis âgé, mais nous sommes encore là tous les deux pour leur laisser quelque chose. Mais justement, que laisserons-nous au XXIe siècle ? Nous sommes d'autres, les trois quarts du siècle sont déjà écoulés. I have no idea. I'm pretty sure that. Je suis à peu près certaine qu'il y aura l'art moderne, qui stagne plutôt actuellement. Mais après la grande créativité des 40 premières années de ce siècle, notamment en France, il est naturel qu'il se produise un certain épuisement. Ce XXe siècle sera probablement l'un des grands siècles de l'histoire, mais pas en politique. Bonjour Jean-Claude Poisat. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes professeur au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez, le Lez ou le Lez ? On dit le Lez. Le Lez, donc dans l'Académie de Montpellier. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Le Philosophoir. Et puis on vous doit aussi Hannah Arendt, une introduction, c'est aux éditions Pocket. On vient d'entendre une archive justement d'Hannah Arendt en 1974 qui déclare que le XXe siècle aura été plus marquant en termes d'œuvre, elle parle de l'art moderne, qu'en termes d'action politique. Comment justement l'œuvre, qui constitue le quatrième chapitre de sa condition de l'homme moderne, se distingue-t-elle à la fois du travail et donc de l'action politique ? Oui, alors l'œuvre effectivement occupe une place centrale à la fois dans la pensée d'Arendt, mais aussi dans le monde contemporain en fait. Je dirais qu'elle a même un caractère un petit peu envahissant. Mais si on remonte plus loin, à vrai dire, Hannah Arendt voit que l'œuvre est liée en fait à toute la tradition de la philosophie politique, et elle remonte même très très loin en arrière, puisqu'elle fait remonter cette tradition jusqu'à Platon. Et elle dit que cette tradition s'est continuée jusqu'à nos jours, c'est-à-dire la philosophie contemporaine, jusque chez Karl Marx ou Max Weber par exemple, en imposant ce qu'on pourrait appeler une conception instrumentale de la politique. Voilà, donc effectivement le XXe siècle n'est en quelque sorte que l'aboutissement, le point d'aboutissement de cette longue histoire qui a constitué, a imposé le schéma instrumental, le schéma de la fabrication, comme le schéma dominant, à la fois qui s'impose à la fois dans le domaine de la politique, mais aussi dans le domaine du travail, et qui va fusionner finalement un petit peu ces trois dimensions dans la vita activa, de sorte que effectivement on a une confusion de l'action, du travail et de l'œuvre ou de la production. Alors on a vu hier que l'avènement du social, c'était vraiment l'avènement du travail. Vous nous dites, Jean-Claude Poisat, que Hannah Arendt constate vraiment une invasion aussi de l'œuvre, mais pourtant quand on parle au quotidien, on parle plus de travail que d'œuvre. C'est pas un terme qu'on emploie tant que ça. On va parler d'œuvre d'art, on va parler de mise en œuvre, mais peu d'œuvre. Qu'est-ce qu'elle entend par là, Hannah Arendt ? Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une confusion du travail et de l'œuvre. Confusion au sens propre, c'est-à-dire que le travail et l'œuvre ont tendance à fusionner, et elle se réfère notamment à Karl Marx dans La Condition de l'Homme Moderne, où elle se réfère en particulier au concept de travail productif, justement, qui est un des concepts centraux dans la pensée de Marx. Elle montre aussi qu'on peut retrouver cette idée chez Locke et chez Smith, chez John Locke et Adam Smith. Donc l'idée que le travail doit être productif, justement. Donc effectivement, on a tendance à confondre ces deux notions, et tout le travail d'Arendt consiste précisément à essayer de dissocier, de distinguer concept actuellement, je dirais, ces deux notions que nous avons dans la vie courante, dans les représentations courantes, tendance justement à confondre l'une avec l'autre. Et alors, la différence entre travail et œuvre, véritablement, c'est que, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Est-ce qu'en fait, le travail pour Arendt se réduit à ce que fait l'animal laborant, alors que l'œuvre va être ce que produit l'homo faber ? Est-ce que c'est une bonne manière déjà de présenter cette distinction ? Oui, alors en fait, il y a plusieurs manières de présenter les choses. Moi, je dirais que ce qui va distinguer, un des aspects qui permet de distinguer le mieux, c'est que, comme le souligne Hannah Arendt, l'œuvre va laisser quelque chose après elle. Elle va donner, elle va produire un objet qui va pouvoir subsister au-delà de l'activité elle-même, comme par exemple le sculpteur qui laisse une sculpture ou le menuisier qui va laisser une table, alors que le travail est une activité qui, en quelque sorte, s'épuise en elle-même, alors qui peut laisser des produits, mais ce sont des produits de consommation qui vont être destinés justement à nourrir le travailleur et à lui permettre de reconstituer sa force de travail, comme dirait Karl Marx, et donc à recommencer de travailler. Donc dans le travail, il y a un processus de... Arendt dit que le travail est un processus qui est lié au fond à la consommation, c'est-à-dire à une forme de destruction aussi, mais de recréation permanente. Elle parle du métabolisme de l'homme avec la nature, donc c'est un processus permanent de destruction et de reconstruction qui n'a pas de fin et qui ne laisse aucune trace ou aucune réalité objective derrière lui. Contrairement à l'œuvre, encore une fois, qui consiste à produire des objets qui vont se caractériser par leur durabilité, une certaine durabilité dans le temps, c'est-à-dire des objets qui vont subsister au-delà de l'activité de l'œuvre elle-même. Alors justement, je vous propose, Jean-Claude Poisat, d'écouter un premier extrait de ce chapitre 4 consacré à l'œuvre, dont la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, où justement on retrouve ce que vous venez de dire, puisque Hannah Arendt parle de réification, soit le fait de chosifier une chose, si je puis dire, pour la rendre durable. La fabrication, l'œuvre de l'homo faber, consiste en réification. La solidité inhérente à tous les objets, même les plus fragiles, vient du matériau ouvragé. Mais ce matériau lui-même n'est pas simplement donné et présent, comme les fruits des champs ou des arbres que l'on peut cueillir ou laisser sans changer l'économie de la nature. Le matériau est déjà un produit des mains qui l'ont tiré de son emplacement naturel, soit en tuant un processus vital, comme dans le cas de l'arbre qu'il faut détruire afin de se procurer du bois, soit en interrompant un lent processus de la nature, comme dans le cas du fer, de la pierre ou du marbre, arrachés aux entrailles de la terre. Cet élément de violation, de violence, est présent en toute fabrication. L'homo faber, le créateur de l'artifice humain, a toujours été destructeur de la nature. L'animal laborans, qui au moyen de son corps et avec l'aide d'animaux domestiques, nourrit la vie, peut bien être le seigneur et maître de toutes les créatures vivantes, il demeure serviteur de la nature et de la terre. Seul l'homo faber se conduit en seigneur et maître de la terre. Sa productivité étant conçue à l'image d'un dieu créateur, puisque si Dieu crée ex nihilo, l'homme crée à partir d'une substance donnée, la productivité humaine devait par définition aboutir à une révolte prométhéenne, parce qu'elle ne pouvait édifier un monde fait de mains d'hommes qu'après avoir détruit une partie de la nature créée par Dieu. Pour bien comprendre une des dimensions de l'œuvre, une bonne manière de la définir, Jean-Claude Poisat, on a donc écouté cet extrait de La condition de l'homme moderne, chapitre 4, l'œuvre sur la réification. C'est justement de pointer ce processus de réification. Pourquoi Hannah Arendt insiste sur la réification et notamment sur sa violence ? Oui, alors, disons, il y a deux points. Donc, la réification, c'est le fait que l'œuvre produit des objets qui ont une existence propre et qui vont pouvoir subsister ou continuer d'exister après la fin de l'activité. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un meuble, d'une table produite par un artisan. Voilà, exactement. Elle donne l'exemple de la table. D'ailleurs, c'est un exemple très important parce que la table, c'est aussi ce qui permet de se réunir. On se réunit autour de la table. Ça, c'est aussi très important puisque l'œuvre permet aussi aux hommes de se rassembler et de se réunir dans un monde commun. Mais par d'ailleurs, l'autre point que vous soulignez effectivement à juste titre, c'est la violence. Il y a une violence qui est liée effectivement à l'œuvre, à la production, à la fabrication, puisqu'il s'agit de transformer un matériau qu'on a arraché à la nature et qui ne retournera pas, enfin du moins pas qui pourra sous forme de déchets si on veut, ou sous forme d'objets usagés, mais contrairement, comme je disais tout à l'heure, au cycle du travail qui est une sorte de cycle qui s'inscrit dans le cycle vital de de la reproduction et de la consommation, l'œuvre, au contraire, interrompt les cycles naturels. Si on coupe un arbre pour faire une table, eh bien, on va arracher le matériau au cycle naturel, à la vie de l'arbre, évidemment, et on va arracher le bois à la nature, et on va ensuite le transformer pour en faire une table. Et il y a effectivement un élément de violence qui est lié au caractère instrumental de l'œuvre. Et Anna Arendt le souligne évidemment aussi dans une autre perspective qui va être de montrer que ce caractère violent inhérent à l'œuvre va se retrouver aussi dans la politique dès lors qu'on va assimiler la politique à l'œuvre, c'est-à-dire à une activité instrumentale finalement. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que dans l'approche des trois activités de la vita activa, donc le travail, l'œuvre et l'action politique, Anna Arendt, on l'a vu hier avec le travail et on le voit aujourd'hui avec l'œuvre, est très critique. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à une sorte de valorisation de l'œuvre, ce qui est quand même le cas. Hein. D'ailleurs, elle ne dévalorise pas complètement le travail, elle tente de le remettre à sa juste place. Mais tout de suite, l'œuvre est pointée comme un élément de réification, mais donc de violence. Hein. Elle dit effectivement que la fin justifie la violence faite à la nature pour obtenir le matériau, le bois justifie le massacre de l'arbre, la table justifie la destruction du bois. Donc on a bien là quand même une approche très critique de ce dispositif en termes de violence, mais aussi en termes de moyens et de fins. Oui, alors oui et non, je dirais. C'est-à-dire que elle ne, comment dire, c'est un petit peu complexe, mais elle bien sûr, d'un certain point de vue, parler de violence, c'est montrer le caractère négatif de l'œuvre, de même que le travail, en tant qu'il est soumis à la nécessité de la vie, à quelque chose d'asservissant et donc de négatif. Mais pour autant, je pense pas. Enfin, on peut aussi voir ça d'une autre façon. En particulier, par exemple, en ce qui concerne l'œuvre, on peut aussi voir un aspect, une dimension très positive, c'est que l'œuvre produit des objets qui sont des objets du monde, et la mondanité, enfin, comme on a traduit le terme, le fait d'être au monde, est une condition aussi de la vie politique et de l'existence humaine, en fait. Donc, et d'ailleurs, le travail lui-même appartient aussi à la condition humaine, si vous voulez. Donc, Anna Arendt ne cherche pas du tout à exclure ni l'œuvre ni le travail hors de la condition humaine, de la vita activa. Au contraire, elle dit que ce sont des conditions. Simplement, sa préoccupation principale, me semble-t-il, c'est de dégager la troisième dimension, enfin je dirais de dégager le terrain, si je puis dire, pour faire une place à cette troisième dimension de la vita activa, qui est l'action. Et donc précisément de dégager l'action, enfin de dissocier l'action des deux autres activités, c'est-à-dire l'œuvre et le travail, avec lesquelles on confond trop souvent l'action. Donc il importe de bien comprendre ce qu'est l'œuvre, mais afin de bien comprendre aussi ce qu'est l'action, et réciproquement. Donc il y a un élément de destruction dans l'œuvre, mais il y a aussi un élément de fabrication, de construction qui est tout simplement la construction d'un monde. Donc ça, c'est, si vous voulez, non seulement c'est pas négatif, mais c'est tout à fait essentiel et positif dans la perspective d'Arendt. Ce qui veut dire que finalement l'œuvre prépare le terrain littéralement à l'action politique, c'est-à-dire qu'en détruisant la nature, quand elle dit que l'homo faber se conduit en seigneur et maître de la terre, on voit d'ailleurs, faut le signaler quand même, c'est un clin d'œil à Descartes et à son discours de la méthode, où Descartes se dit que l'idéal de l'homme, c'est de se conduire comme maître et possesseur de la nature. Donc on voit bien qu'Arendt fait un clin d'œil ici à Descartes sans le citer. Donc quand Arendt dit ça, c'est plutôt une manière de valoriser l'œuvre et de dire c'est une préparation au terrain de l'action politique, ce qui veut dire que l'action politique ne se passe pas d'une forme de destruction et de violence. Alors, il y a des conditions pré-politiques à la politique, ça c'est certain. Alors, vous posez une question un petit peu délicate et un petit peu difficile, mais disons que certainement chez Arendt, il y a cette idée, je pense que l'humanité doit se sortir en quelque sorte, ou si je puis dire, se dégager hors de la nature, en fait. Il y a une sorte d'arrachement à la nature, en fait. Et cet arrachement, il se fait à travers l'œuvre, effectivement. Et comme vous dites, je pense qu'on peut le dire, effectivement, l'œuvre elle-même va préparer le terrain pour l'action. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait de l'action, il faut d'abord qu'il y ait un monde. Et l'action des hommes, elle se passe dans un monde. Or, ce qui fait monde, c'est précisément le processus de la fabrication. Voilà. Mais, quand on parle de violence, on parle de violence vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du matériau brut donné par la nature, et non pas de la violence politique qui est une violence de l'homme contre l'homme. Maintenant, la transposition du schéma instrumental de l'œuvre à la politique, justement, consiste aussi à transposer cet élément de violence propre à l'œuvre dans le domaine politique de l'action. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Si, vous avez été très clair, mais ce qui veut dire aussi que, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, en fait, Hannah Arendt, ce texte est publié en 1958. J'imagine que le problème écologique n'est pas encore, en fait, un enjeu comme il est pour nous actuellement. Néanmoins, et ça, c'est quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé cette semaine et qui apparaît clairement dans ce chapitre sur l'œuvre, il y a vraiment une attention qui est apportée à la Terre. C'est-à-dire que vraiment, créer un monde, c'est créer un monde artificiel qui ne soit pas naturel, mais qui néanmoins, du coup, présuppose quand même une terre natale. Oui, alors là aussi, c'est un sujet très, très complexe et qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais je crois qu'il a été assez peu exploré. C'est effectivement la question de la nature et de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie dans l'œuvre d'Arendt. Alors, est-ce qu'on peut faire d'Hannah Arendt une écologiste? J'en suis pas certain. Oui, ça paraît un petit peu anachronique. Oui, mais enfin là encore, je dirais oui et non. C'est toujours assez ambivalent en fait chez Hannah Arendt. C'est-à-dire que d'un côté, elle explique qu'il y a une sorte d'arrachement à la nature finalement, mais il y a aussi l'idée que on doit préserver en effet les conditions humaines d'existence sur la Terre. Donc effectivement, à travers la vita activa, le travail, l'œuvre et l'action, il s'agit de préserver les conditions humaines de la vie sur Terre. Et elle dit effectivement la vie terrestre fait partie des conditions fondamentales aussi de l'existence humaine. Maintenant, Hannah Arendt vit aussi à l'époque où les Américains ont lancé, les Russes. Excusez-moi, ont lancé le satellite Sputnik en 1957, juste un an avant la publication du livre, et d'ailleurs elle en parle dans le prologue de La condition de l'homme moderne, c'est-à-dire que les hommes se préparent aussi à quitter la Terre ou à créer des conditions d'une vie humaine en dehors de la Terre ou donc hors des conditions de vie terrestre. Et Hannah Arendt dit d'ailleurs qu'on pourrait continuer à vivre humainement aussi en dehors de la Terre, simplement les conditions humaines, la condition humaine serait transformée évidemment. Alors, je vous propose maintenant d'écouter l'archive d'un artiste, justement pour qu'on puisse insister sur ce qu'est une œuvre. Est-ce que tout objet fabriqué est une œuvre? C'est la question qu'on va se poser. D'une certaine manière, je crois que qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non? Le moteur pourquoi on travaille, c'est sûrement pour donner la permanence à ceux qui passent. C'est pour ça qu'on peut faire des sculptures des personnages ou des bêtes, on fait difficilement la sculpture d'un caillou. Même si un caillou passe exactement comme une personne, non? Mais plus lentement. Enfin. Mais même si c'est là le moteur profond, je pense que ça l'est bel et bien pour tout le monde, qui agit, mais pas seulement qui fait de la sculpture ou qui fait de l'art, même pour tous ceux qui parlent et qui racontent une histoire. Tout le monde a le besoin, admettons qu'il fasse un voyage ou qu'il passe une soirée avec quelqu'un ou un autre, de le raconter. Le fait de le raconter, c'est déjà de le recréer. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, tout le monde fait de l'art, non? Le besoin, c'est sûrement toujours de donner de la permanence à l'existence. C'était la voix du sculpteur et du peintre Alberto Giacometti dans une archive du 12 novembre 1963. Alors là, le terme important qu'on a entendu, c'est peut-être permanence. Créer, dit-il, c'est donner de la permanence à l'existence. Alors il parle quand même, il faut le dire, des œuvres d'art, ce qui est un cas particulier traité par Hannah Arendt à la fin de son chapitre. Mais néanmoins, ça permet de poser cette question sur l'œuvre en général. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est permanent, relève-t-il de l'œuvre ? Oui, c'est un des traits caractéristiques justement de l'œuvre. Hein. J'ai donné tout à l'heure l'exemple c'est l'exemple que donne Hannah Arendt elle-même, la différence qu'il y a entre un pain et une table. C'est-à-dire le pain est un objet de consommation, donc c'est un produit du travail, alors que la table est un objet d'usage qui persiste après qu'on s'en soit servi, ou en tout cas qui peut durer un certain temps. Il y a une usure aussi des objets d'usage, mais enfin ils se périment pas aussi rapidement que les produits de consommation. Donc oui, c'est ce qui caractérise l'œuvre, c'est la durabilité des produits, de ces produits, des objets qui sont produits par l'artisan ou l'artiste. Et est-ce qu'il faut nécessairement que l'œuvre soit fabriquée? Ça, c'est intéressant aussi, parce que dans l'archive de Giacometti, on a l'impression que quand quelqu'un fait, par exemple, un récit, par exemple, si je vous raconte mes vacances, Jean-Claude Poisat, ce sera peut-être pas une œuvre d'art, mais néanmoins, ce sera une manière de rendre durable le souvenir de mes vacances. Est-ce que ça, par exemple, c'est une œuvre? Est-ce qu'il est de l'ordre de la parole et qui est transmis à quelqu'un d'autre, relève de l'œuvre? Vous pouvez pas dire vraiment. que mes vacances ne sont pas une œuvre, mais... Non, mais c'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez parlé de la réification, et on y revient, et c'est très important. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un objet qui soit fabriqué. Et Arendt insiste là-dessus, et sur le fait qu'il soit fabriqué avec nos mains. Donc, c'est-à-dire, donc le récit, par exemple, il pourra être écrit. Donc l'œuvre, oui, ça peut être un texte écrit, un livre qui va rester, mais qui va rester à l'état d'objet. Enfin, qui va, voilà. Le récit, c'est autre chose. C'est de la parole, et la parole, elle est liée plutôt à l'action, si vous voulez. Donc c'est maintenant, c'est un point aussi important. C'est-à-dire, il y a des passerelles, il y a des ponts entre l'œuvre et l'action très étroits. C'est-à-dire que en fait, Hannah Arendt explique qu'en effet, l'œuvre permet justement de garder en mémoire et de garder la trace des actions, notamment au travers effectivement des récits, mais à condition qu'ils soient mis par écrit dans des livres, des objets. Et inversement, les objets, les œuvres, effectivement, permettent, sont la condition aussi de la mémoire et donc la condition de l'existence humaine dans le temps. Et en particulier les œuvres d'art, qui sont des œuvres qui sont intéressantes aussi par leur apparence, ont une affinité aussi avec le monde de l'action. Donc, si vous voulez, l'œuvre et l'action ont des affinités, tout en étant distinctes chez Arendt, il y a des affinités entre les deux. Et ce que j'essaye aussi de vraiment de bien définir avec vous, Jean-Claude Poisat, c'est que par exemple, est-ce que l'œuvre est à la portée de tout le monde aussi? C'est-à-dire que là, on entend la voix de Giacometti. Par exemple, là, je vous ai dit, je prends l'exemple de mon récit de vacances. Si je vous écris une lettre ou si je vous écris une carte postale, cet objet va rester. Ça va devenir un texte écrit. Est-ce que ça, c'est une manière, en fait, de faire œuvre? Ou alors, est-ce que vraiment les œuvres entendues par Hannah Arendt ont vraiment une condition beaucoup plus, on va dire, noble, beaucoup plus large, audible par tous et pas juste dans un cadre privé. Alors, il y a plusieurs questions. Le problème, c'est que, alors, vous parlez de l'œuvre, mais il faut distinguer l'œuvre, je dirais, de l'artisan, par exemple, l'œuvre qui vise à produire des objets utiles ou utilitaires, et d'autre part, l'œuvre d'art. Et Hannah Arendt, tout de même, met à part les œuvres d'art, qui sont d'un certain type d'œuvre tout à fait particulier, et qui d'ailleurs, si je puis reprendre mon expression, permet le passage ou de faire un pont entre l'œuvre et l'action, justement. Donc tout le monde n'est pas artiste et toute œuvre n'est pas une œuvre d'art, ça c'est certain. Par contre, l'œuvre, si vous voulez, le fait de fabriquer quelque chose avec ses mains, oui, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, même un enfant peut modeler avec de la pâte à modeler, il peut fabriquer un petit personnage et on pourrait dire qu'il est déjà dans une forme d'œuvre, si vous voulez. Et il participe donc à la construction du monde. Écoutez, oui, après, enfin, comment dire, dans une certaine mesure, après, la durabilité de cet objet et l'utilité de cet objet est moindre, sans doute, que celle que l'objet qui serait fait par un artisan expérimenté ou par un artiste qui aurait une certaine expérience aussi dans son domaine. Mais oui, on pourrait dire ça, d'une certaine manière, dès l'instant qu'on produit quelque chose avec ses mains et que cet objet est destiné à subsister un certain temps, eh bien, on peut parler d'œuvre, en effet. Est-ce qu'on peut aussi parler d'œuvre à partir du moment non seulement où il y a fabrication, réification, mais aussi à partir du moment où en fait cette œuvre est visible et utile pour un ensemble de personnes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi dans la condition de l'homme moderne d'Arendt, c'est cette idée d'objectivité du monde. Les êtres humains se retrouvent autour d'objets qu'ils peuvent tous regarder et à propos desquels ils peuvent discuter. Est-ce que ça, c'est une condition de l'œuvre aussi? C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, l'œuvre est la condition du monde de l'action, du monde politique, dans la mesure où elle crée un monde d'objets durables, et c'est au sein de ce monde d'objets artificiels produits par l'homme et durables que peut se produire aussi l'action, donc la vie politique. Donc oui, en effet, on peut dire l'œuvre est une condition de l'action. Et tout à l'heure, on évoquait l'exemple de la table. C'est un exemple sur lequel Hannah Arendt revient, mais la table, effectivement, c'est ce qui réunit les hommes. Donc on se met à table, on se réunit réunis autour d'une table. La table, c'est le lieu de la négociation, de la discussion, notamment la discussion politique. Donc, si vous voulez, c'est, on voit bien immédiatement comment cet objet se produit par l'œuvre peut être la condition aussi de la vie politique, puisque pour Arendt, comme on sait, la vie politique est étroitement liée aussi à la parole, au discours. Et donc, on voit bien comment une table peut être liée à la vie politique chez les humains. À la différence de l'animal laborance, dont la vie sociale est grégaire et sans monde, et qui par conséquent est incapable de construire ou d'habiter un domaine public, du monde, l'homo faber est parfaitement capable d'avoir un domaine public à lui, même s'il ne s'agit pas de domaine politique à proprement parler. Son domaine public, c'est le marché, où il peut exposer les produits de ses mains et recevoir l'estime qui lui est due. Ce goût de la parade a probablement des racines aussi profondes que l'inclination, à laquelle il est étroitement lié, à troquer et échanger une chose pour une autre, qui, selon Adam Smith, distingue l'homme de l'animal. En tout cas, l'homo faber, constructeur du monde, producteur d'objets, n'entre vraiment en relation avec les autres qu'en échangeant ses produits contre les leurs, car ces produits eux-mêmes sont toujours fabriqués dans la solitude. Le respect de la vie privée qu'on exigeait au début de l'époque moderne, comme le droit suprême de chaque membre de la société, était en fait la garantie de l'isolement sans lequel aucune œuvre ne peut être produite. Cet isolement est la condition de vie nécessaire à toute maîtrise qui consiste à être seul avec l'idée, l'image mentale de l'objet futur. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait de La condition de l'homme moderne, chapitre 4, l'œuvre, sous-partie le marché, interprété par Hélène Losseur. Alors dans ce texte, on a bien entendu ce dont on était en train de discuter, Jean-Claude Poisat, à propos de l'espace public que crée justement l'homo faber avec ses objets fabriqués, mais aussi comment définir cet espace public. Alors effectivement, ça peut être un espace de réunion. Est-ce pour autant un espace politique telle que l'entend Hannah Arendt plus tard dans La condition de l'homme moderne, on va pouvoir entreprendre des actions politiques? Alors la réponse est clairement non. D'ailleurs, c'est dit dans le texte, c'est-à-dire c'est un espace. Le texte dit un espace public, mais pas encore politique. Donc d'une certaine manière, pas pleinement public en réalité. On pourrait dire semi-public, c'est-à-dire l'espace ouvert par le marché en fait. C'est-à-dire le fait que l'homo faber va vendre, c'est ce qu'on appelle le monde des échanges, les échanges économiques. Le fait que l'homo faber peut vendre ses productions lui permet d'échanger avec d'autres, donc d'avoir une vie sociale, de s'inscrire dans une forme de pluralité, si on veut, mais c'est une pluralité intéressée, soumise à la nécessité économique. Donc ça n'est pour de ce fait, ça n'est pas encore un espace politique, parce que une des conditions de l'espace politique, c'est la liberté, et la liberté, au fond, c'est une forme de désintéressement, justement, vis-à-vis de l'économie, et le fait d'être affranchi de cette servitude, finalement, de devoir satisfaire des besoins économiques. Donc non, ce n'est pas pleinement un espace politique, mais on pourrait dire qu'encore une fois, il y a une passerelle entre le monde du travail qui est strictement privé, et le monde de l'action qui serait pleinement public et politique. L'œuvre fait le pont entre les deux, ou nous met en chemin, si je puis dire, vers le monde de l'action. Et je voudrais ajouter une petite remarque, c'est que Hannah Arendt se réfère aussi à la société grecque antique. Et dans la société grecque antique, il y avait une distinction. Les Grecs faisaient une distinction entre les esclaves qui étaient finalement attachés à la maison, l'oikos en grec, c'est-à-dire la sphère domestique. Et le travail, si vous voulez, il est attaché justement à ces tâches domestiques, donc comme préparer la cuisine, comme faire le ménage, donc c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie. Par contre, il y avait des esclaves qui étaient donc qui s'appelaient en grec démiurgos ou démiurgioi au pluriel, ou banosos, c'est un terme que Arendt évoque à plusieurs reprises d'ailleurs, banosoi au pluriel, banosos, donc c'est l'artisan. Donc il y a des esclaves qui étaient des artisans et qui eux vivaient à l'extérieur de la maison et qui souvent pouvaient pouvaient être d'ailleurs des anciens esclaves affranchis ou même des hommes libres, et qui pouvaient avoir des échanges justement commerciaux et donc qui produisaient pour leur propre compte, si vous voulez, ils produisaient pour générer de la richesse dont ils pouvaient être eux-mêmes bénéficiaires, alors que l'esclave évidemment ne travaille que pour son maître, n'a pas de propriété privée, ça va de soi. Donc si vous voulez, on retrouve là un embryon aussi de la distinction entre le travail et l'œuvre. Hein, l'œuvre, c'est du côté du banosos, l'artisan. Le travail, c'est l'esclave domestique. Mm-hmm. Et donc, le texte qu'on vient d'entendre nous montre bien que le banosos, l'artisan, il peut avoir une vie sociale, il peut avoir des échanges, et donc d'une certaine manière, il représente une catégorie sociale intermédiaire entre l'esclave, qui appartient à la sphère strictement privée, et le citoyen, qui lui vit dans la sphère publique. Oui, et ça c'est vraiment intéressant, Jean-Claude Poisat, parce qu'on entend bien dans le texte aussi que c'est à la fois un espace d'échange où l'homme est en relation avec d'autres, mais en même temps c'est aussi un espace d'isolement. C'est-à-dire que l'œuvre ne garantit pas la totale entrée en relation avec l'autre. En fait, c'est juste une fois que le produit est fini qu'il y a une apparition dans cet espace public. Tout à fait. La solitude, la solitude de l'artisan la solitude est une condition de la vie de l'artisan. L'artisan est solitaire de par sa fonction ou son activité parce qu'il a besoin de la solitude pour produire, parce qu'il a l'esprit accaparé par son but qui est la réalisation du modèle qu'il a en tête, et parce que son esprit est soumis à la nécessité qui est inhérente au procédé de fabrication qui va subordonner des moyens à des fins. Donc, quand l'artisan travaille, il n'est pas dans l'échange, au contraire, il est enfermé en quelque sorte dans sa tête et dans son projet, dans son atelier aussi, et de préférence, il préfère éviter d'avoir des contacts sociaux à ce moment-là. Même chose pour l'artiste aussi, si vous voulez. L'artiste, dans le moment où il crée, il est dans son atelier, il est, en tout cas si on pense au peintre ou au sculpteur, il travaille plutôt dans la solitude. Alors, plus ou moins, mais enfin, il y a cette idée que l'artiste est seul avec son œuvre, ou l'artisan. Mais par contre, il y a un moment de socialité ou de sociabilité a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'œuvre a été produite, c'est-à-dire quand l'œuvre va pouvoir être échangée, l'échange commercial, l'artisan qui va vendre son produit, ou bien même l'artiste qui va montrer évidemment son tableau une fois qu'il l'a terminé, et on va pouvoir parler de son tableau, et là il va y avoir une vie sociale qui va pouvoir se créer autour de l'œuvre. Alors est-ce que le risque justement, selon Hannah Arendt, c'est de réduire le domaine politique à cet espace en fait public d'échange commercial ? Est-ce que et du coup aussi, et je reprends ce terme d'isolement, et du coup guetté quand même par l'isolement des uns et des autres. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de la confusion entre l'œuvre, l'action. Le danger de cette confusion, c'est, alors, il est multiple en fait, ce danger. Il y a un danger qui est l'utilitarisme, enfin, c'est-à-dire le domaine de l'œuvre, c'est le domaine de l'utilité, et donc il y a un danger d'introduire des préoccupations utilitaires dans le champ politique, ce qui est contraire à la vie politique selon Arendt, parce que la vie politique, elle est attachée à la liberté et donc à une forme de désintéressement. Et d'autre part, effectivement, l'échange commercial risque là aussi de pervertir les relations sociales et donc les relations politiques aussi. Donc c'est un danger inhérent, effectivement. C'est un danger d'introduire ces préoccupations instrumentales et liées à l'œuvre dans un domaine qui n'est pas le sien. Oui, alors juste, je précise qu'on entend votre enfant derrière, c'est normal, nous sommes en vous êtes loin, vous êtes à Montpellier, nous sommes à Paris, mais ça n'empêche pas de bien vous suivre, Jean-Claude Poisat. Justement, pour rebondir Merci. Sur cette idée d'instrumentalisation dans l'espace public, il faut quand même dire que c'est quelque chose qu'a à cœur Hannah Arendt, hein, qui l'inquiète énormément, et elle parle notamment du philistin, qui a une pensée vulgaire, une action fondée sur des expédients, et qui instrumentalise tout, et qui donc, en fait, voit tout en termes de moyens et de fins, même l'action politique. Et là, on a vraiment une confusion entre l'œuvre qui devient, comme l'action politique, imprévisible, infinie, et de l'autre côté, l'action politique qui devient elle-même presque programmatique. Et là, on a une référence à ce qu'elle a écrit dans Les origines du totalitarisme, avec une forme d'œuvre, de mise en œuvre à travers le peuple, comme s'il s'agissait d'un objet. Oui, tout à fait. Mais en fait, si vous voulez, on parlait au début de l'élément de violence. Cet élément de violence, il peut se traduire, vous savez, dans l'adage populaire, auquel Hannah Arendt d'ailleurs se réfère elle-même, qui dit « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Bon, bien si vous voulez, voilà. Alors, il y a une autre façon de formuler, de dire les choses, qui est la fameuse phrase de Machiavel, qui est la fin justifie les moyens. Mm-hmm. Bon, il y a une forme de machiavélisme politique qui est en quelque sorte admis ou qui est devenu une sorte d'opinion ou en tout cas de doxa dominante dans la tradition de la pensée politique occidentale, dit Arendt. Et qui nous renvoie encore une fois à ce caractère instrumental de la politique, c'est-à-dire voilà, la politique c'est fabriquer une société plus meilleure, plus juste, plus parfaite, etc. Et pour arriver à ce but, eh ben il faut transformer la société, mais le matériau c'est le matériau humain, enfin c'est-à-dire ce sont les humains eux-mêmes qui sont le matériau. Et on a dit tout à l'heure, si on veut fabriquer quelque chose, on doit détruire du matériau, on doit arracher le matériau à son élément vital pour justement fabriquer l'œuvre. Donc, et si l'œuvre c'est une société, eh bien, il faudra qu'il y ait de la casse et qu'il y ait concrètement des violences, des victimes, etc. Donc ça, c'est évidemment le danger que pointe Hannah Arendt lorsqu'elle dénonce l'introduction de la pensée instrumentale dans le domaine politique. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une tradition qui est profondément ancrée. Au fond, c'est toute la tradition de la pensée politique, selon Arendt, qui remonte à Platon. Arendt attribue à Platon la paternité, si je puis dire, de l'introduction du schéma instrumental dans le domaine politique. Et ça se poursuit jusqu'à, Marx ou Weber. En passant, je viens de citer Machiavel, on pourrait citer aussi, par exemple, Thomas Hobbes. Si vous voulez, les grandes figures de la pensée politique, finalement, confirment, selon Arendt, son idée selon laquelle, nous avons une vision instrumentale de la politique. Et pour finir, on pourrait dire que c'est ce qui culmine, effectivement, dans le totalitarisme, au fond. Enfin, le totalitarisme serait, en quelque sorte, l'exacerbation ou la forme exacerbée ou apocalyptique aussi, certainement, paroxystique de cette vision instrumentale qui finalement, s'est achevée dans une politique criminelle, destructrice et parfaitement insensée. Mais peut-être qu'une solution, un remède se trouve dans les œuvres d'art, c'est ce que semble peut-être indiquer Hannah Arendt à la fin de ce chapitre sur l'œuvre. En raison de leur éminente présence, les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde. Leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels, puisqu'elles ne sont pas soumises à l'utilisation qu'en feraient les créatures vivantes. Utilisation qui, en effet, loin d'actualiser leur finalité, comme la finalité d'une chaise lorsqu'on s'assied dessus, ne peut que les détruire. Ainsi, leur durabilité est-elle d'un ordre plus élevé que celle dont tous les objets ont besoin afin d'exister? Elle peut atteindre à la permanence à travers les siècles. Dans cette permanence, la stabilité même de l'artifice humain, qui habité et utilisé par les mortels ne saurait être absolue, acquiert une représentation propre. Nulle part la durabilité pure du monde des objets n'apparaît avec autant de clarté. Nulle part, par conséquent, ce monde d'objets ne se révèle de façon aussi spectaculaire comme la patrie non mortelle d'êtres mortels. Tout se passe comme si la stabilité du monde se faisait transparente dans la permanence de l'art, de sorte qu'un pressentiment d'immortalité, non pas celle de l'âme ni de la vie, mais d'une chose immortelle accomplie par des mains mortelles, devient tangible et présent, pour resplendir et qu'on le voie, pour chanter et qu'on l'entende, pour parler à qui voudra lire. Il faut le dire, c'est un très beau texte qu'on vient d'entendre d'Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, chapitre 4, l'œuvre, la permanence du monde et l'œuvre d'art. C'est un très beau texte. Il faut quand même dire aussi, en fait, que la condition de l'homme moderne est quand même très agréable, très frappant à lire. Je ne sais pas comment le dire, agréable n'est pas le bon terme. En tout cas, ce texte sur l'œuvre d'art en fait partie. Et effectivement, on y entend bien cette idée que l'œuvre d'art, parmi les œuvres, se distingue bien de celle-ci, puisque c'est peut-être celle qu'ils font le plus intensément monde, c'est ce qu'elle dit au début. Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre d'art, parce qu'elle échappe justement à la dimension utilitaire, utilitariste de tout objet, de toute œuvre, permet peut-être d'être un remède à cette vision instrumentale de l'espace public? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, vous avez raison de dire que c'est un très beau texte. Et il y a beaucoup de passages de la Condition de l'homme moderne qui sont très, très beaux. Il y a un côté très littéraire, j'ose mm-hmm. presque dire poétique. Mais en tout cas, donc d'une certaine manière, il y a une dimension artistique, si on veut, aussi dans l'œuvre d'Arendt elle-même, qui met en abîme sa propre pensée. Donc effectivement, les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde. On peut dire que l'œuvre d'art, c'est l'œuvre par excellence, si on veut. Et effectivement, il y a quelque chose, comme vous dites, du remède. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un lien étroit, en fait. Anna Arendt établit un lien très étroit entre l'art et la politique. Elle écrit d'ailleurs dans La crise de la culture indique que l'art et la politique, nonobstant leurs conflits et leurs tensions, sont liés et même en mutuelle dépendance. Donc il y a un lien effectivement très étroit. Et comme je disais tout à l'heure, l'œuvre d'art effectivement permet de garder la mémoire des actions politiques, les exploits des hommes en fait et des femmes politiques, enfin des citoyens, de ceux qui ont agi dans la cité. Et inversement, quand on agit dans la cité, c'est aussi une certaine manière pour s'immortaliser et donc pour rester vivant dans la mémoire des hommes. Anna Arendt dit que la police grecque, c'est une sorte de mémoire vivante. Donc c'est bien cette idée de l'immortalité qu'on cherche à la fois dans l'œuvre d'art, mais aussi dans la vie politique, et qui constitue un lien étroit entre les deux domaines. Voilà. Mais pour revenir à l'œuvre d'art, elles se caractérisent par leur durabilité en quelque sorte imminente. Elles sont plus durables. Ce sont les œuvres les plus durables parmi toutes les œuvres faites de main d'homme. C'est lié au fait que l'œuvre d'art n'est pas un objet d'usage, et donc n'est pas ou très peu. Et donc, de ce fait, les œuvres d'art sont peu usagées et elles ont tendance à peu s'user au fil du temps. Et l'œuvre d'art met en scène sa propre durabilité en reproduisant des scènes de la nature. C'est ce que disait Giacometti tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé, est très, très arendtien et très intéressant. C'est-à-dire, effectivement, on représente rarement des choses durables dans l'œuvre d'art. Ce qu'on représente dans les œuvres d'art, bien souvent, ce sont des choses périssables. Je pense en particulier, par exemple, à une nature morte. Donc, une nature morte, elle va montrer des fruits dans une coupe. Rien de plus périssable que des fruits, justement. Et l'œuvre d'art va conférer un caractère impérissable à ce qui est périssable. Des scènes de la vie quotidienne. On peut penser à la peinture flamande, par exemple. C'est-à-dire des instants fugaces, des moments éphémères, sont inscrits dans une permanence, une durabilité. Et c'est ce que fait l'œuvre d'art. En reproduisant ces scènes de la nature ou de la vie sociale, eh bien, elle va leur conférer une certaine permanence dans le temps. Donc, l'œuvre d'art se met elle-même, en quelque sorte, en scène. Il y a une sorte de mise en abîme. Hein. L'œuvre d'art, elle est durable, mais ce qu'elle montre, c'est aussi la durabilité, justement. C'est le fait qu'elle confère une durabilité à ce qui ne dure pas. Alors on entend bien effectivement la dimension arrachement à la nature avec l'œuvre et qui plus est avec l'œuvre d'art en termes de durabilité. Elle parle d'ailleurs aussi de permanence, hein, comme le disait Giacometti. Néanmoins, la question se pose d'en parler de l'espace public proposé, construit, fabriqué par ces objets. Est-ce que les œuvres d'art construisent tout à fait le même espace public c'est-à-dire que parfois, en fait, l'espace public construit par les œuvres d'art s'appelle des musées et c'est plus des endroits de contemplation que de préparation, en fait, à l'action politique, à la différence peut-être d'échanges d'objets usuels où là, on a une vraie dimension politique de valeur attribuée à des objets. Alors, l'œuvre d'art, là, il y aurait plusieurs choses à dire. C'est-à-dire, il faut distinguer le point de vue de l'artiste et le point de vue du spectateur ou de l'amateur d'art, l'esthète, on pourrait dire. On a dit tout à l'heure que l'artiste, comme l'artisan, était dans une forme de solitude. Et d'une certaine manière, il est l'ennemi de la vie politique, puisqu'il doit se retirer dans la solitude de son atelier pour produire. Bon, mais par contre, le point de vue du spectateur ou de l'esthète ou de l'amateur d'art, lui, il est éminemment politique. Parce que on ne peut apprécier l'œuvre d'art que dans une confrontation des points de vue et à travers des échanges aussi. L'œuvre d'art, elle peut susciter des discussions, des débats. Elle génère aussi ce qu'on appelle une critique d'art, donc qui consiste à évaluer la valeur de l'œuvre d'art. Et ça, c'est l'objet justement de débats. Et donc, dans ce sens, l'œuvre d'art génère une vie sociale et politique intense. Et en ce sens, l'œuvre d'art a une dimension éminemment politique. Donc Anna Arendt montre qu'il y a une ambivalence qui apparaît très clairement aussi dans la pensée grecque. On peut penser évidemment à Platon qui voulait chasser les artistes en dehors de la cité. Et bien, tout le paradoxe, c'est que Platon était un grand admirateur d'Homère et de poésie et d'art. C'est-à-dire que les Grecs avaient conscience de cette dualité de l'œuvre d'art entre le point de vue de l'artiste, encore une fois, solitaire, en quelque sorte apolitique, voire anti-politique en fait. L'artiste est en quelque sorte hostile à la vie politique puisqu'il doit se retirer du monde commun. Et d'un autre côté, et paradoxalement, l'œuvre qu'il va produire va intéresser le monde commun. Donc il y a cette ambivalence de l'art, le point de vue du producteur et le point de vue du spectateur, qui montre que il y a, comme dans la citation que j'ai citée tout à l'heure, il y a un conflit entre l'art et la politique, mais il y a aussi une grande affinité entre l'art et la politique. Alors quelques mois avant que ne paraisse Condition de l'homme moderne, Albert Camus tenait ce discours lors de sa réception du prix Nobel de littérature. C'était le 10 décembre 1957. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'était donc la voix d'Albert Camus en 1957, alors qu'il recevait le prix Nobel de littérature. On entend vraiment un parallèle quand même entre Arendt et Camus ici, Jean-Claude Poisat, puisque effectivement, en fait, pour Camus, être un artiste, c'est contribuer, c'est fonder une communauté, et c'est exactement en fait ce que Arendt va dire. D'un côté, l'artiste a besoin, vous l'avez dit Jean-Claude Poisat, d'isolement, de solitude, et en même temps, c'est lui qui va fonder un espace politique. Est-ce qu'il faut parler d'espace politique aussi en termes plutôt d'espace culturel, ce qui semble manquer en fait à l'animal laborant, que dénoncer ou que critiquer plutôt Anna Arendt dans son chapitre sur le travail, Jean-Claude Poisat? Oui, alors d'abord c'est un très très beau discours de Camus et d'autre part, comme vous dites, il y a de grandes affinités entre ce que dit Camus et ce que dit Arendt, et d'ailleurs il y avait, je pense, une grande affinité entre les deux pensées. Anna Arendt, par ailleurs, cite beaucoup, souvent, un passage de l'Oraison funèbre de Périclès dans la guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Une phrase qui dit, alors il y a plusieurs traductions, mais une des traductions dit « Nous aimons la beauté avec simplicité et nous philosophons sans faiblesse ». Alors je laisse « nous philosophons sans faiblesse », mais « nous aimons la beauté avec simplicité ». Anna Arendt traduit un peu différemment, elle traduit aussi « nous aimons la beauté dans les limites du jugement politique ». Et je pense que ça rejoint totalement ce que dit Camus et notre discussion donc sur la place de l'art justement dans le monde politique, c'est-à-dire que l'art peut pleinement et parfaitement contribuer justement à en quelque sorte à renforcer le lien politique dès lors qu'il donne lieu à des débats et des discussions et où il permet aux hommes de se rassembler autour justement de l'œuvre pour en évaluer la beauté et pour en apprécier évidemment et en estimer la beauté. Mais il y a encore une fois un danger, un risque aussi, c'est une tentation, et je pense que Camus met en garde contre cette tentation, et Anna Arendt aussi, qui serait celle de s'abstraire justement de la société et de la cité. L'artiste peut être tenté de se retirer justement du monde social et de se croire un être à part, vous savez, le génie solitaire en fait, en opposition avec tout le reste de la société. Bon, or justement, cette tentation est une tentation antipolitique. On pourrait dire c'est un peu une tentation romantique aussi, que Anna Arendt critique par ailleurs. C'est-à-dire, l'artiste qui serait au-dessus des autres, qui aurait un génie particulier, singulier, qui ferait qu'il n'aurait rien de commun avec ses semblables. Mais au contraire, Camus, comme Arendt, souligne le fait que l'artiste est un être qui a beaucoup en commun avec ses semblables et qui, d'une certaine manière, cherche à créer du commun à travers son œuvre. Ou plus exactement, l'œuvre va permettre de créer du commun une fois qu'elle a été achevée, une fois qu'elle a été accomplie. Mais l'autre danger, Jean-Claude Poisat, est-ce que ce n'est pas aussi que la réunion des hommes, le partage des hommes, ne soit que de cet ordre-là, à savoir artistique, culturel, à savoir en fait qu'on se contente de discuter d'objets artistiques et puis qu'on ne passe jamais à l'action? Alors là, on revient à la question de l'action, dont il sera question... Demain, tout demain, à fait, avec Martine Lebovici, voilà, mais c'est ça. Mais oui, mais alors il s'agira donc de cerner précisément le ce qu'est l'action, finalement, ce qu'est le domaine de l'action. Mais Hannah Arendt, comme je l'ai dit, en se référant à Aristote notamment, mais pas seulement, souligne le fait que l'action, de toute façon, n'est jamais séparable de la parole et du discours, ou de ce que les Grecs appelaient le logos. D'ailleurs, enfin, on peut se référer aussi aux théories linguistiques, je pense en particulier à Austin, qui souligne le fait que certaines paroles sont des actions et qu'aucune action politique ne peut se séparer de la parole, que ce soit la délibération qui précède, mais même l'action elle-même, souvent, et la prise de décision est engagée par la parole. Et puis, il y a une parole aussi qui va consister à évaluer les actions, savoir si les actions sont bonnes ou mauvaises, si elles sont justes ou injustes, si elles sont pertinentes ou pas pertinentes, etc. Donc, il y a toujours du discours et du langage qui va entourer l'action et qui va, en réalité, constituer aussi sa substance. Donc il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, chez Arendt, entre parler et agir. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est affinité. Oui, mais ce que je veux dire par là aussi, Jean-Claude Poisat, c'est que par exemple, si nous discutons tous les deux de la dernière série Netflix, on va partager, on va se retrouver autour d'un objet qu'on pourrait dire esthétique. on va avoir une conversation là-dessus. Est-ce que cet acte de délibération, parce qu'on va pas être d'accord sur la qualité de cette série, va être du même ordre, va préparer à l'action politique? Est-ce qu'on doit pas distinguer justement quand même des délibérations esthétiques, des délibérations politiques, et donc l'œuvre de l'action? Alors, de toute façon, l'œuvre se distingue de l'action. Là, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais l'œuvre d'art, comme je le disais tout à l'heure, permet, si vous voulez, d'établir des ponts. C'est-à-dire que l'œuvre d'art nous introduit au monde politique en tant qu'espace de débat et de dialogue, lieu aussi de confrontation. Et inversement, le monde politique trouve dans l'œuvre d'art son prolongement, parce que l'art va immortaliser les actions des hommes dans des récits ou dans des tableaux, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'affinité qu'il peut y avoir entre l'art et la politique. Maintenant, effectivement, il ne faut pas tomber non plus dans une forme de religion de l'art, mais je ne pense pas que ce soit le cas d'Arendt. L'action, c'est autre chose. L'action, c'est l'affirmation de la liberté humaine, c'est l'exercice de la liberté au sein de la pluralité. C'est ce qui permet de faire exister une communauté politique. Donc effectivement, c'est différent de la discussion esthétique, bien sûr. Comment dire ? L'œuvre d'art occupe une place tout de même à part, parce que elle prépare au domaine politique, dans la mesure où elle prépare les hommes à avoir des échanges désintéressés, disons. Enfin, je pense que c'est un des aspects, en tout cas, par lesquels l'art nous prépare à la politique. Parce que, encore une fois, il s'agit de se dégager de la vision utilitariste qui est celle de l'œuvre, et aussi de la préoccupation strictement vitale qui est celle du travail, donc c'est-à-dire qui consiste à assurer la satisfaction des besoins et la reproduction de la vie, donc la consommation, etc. L'œuvre d'art ne doit pas être ni de la consommation ni un objet utilitaire, voilà. Et donc, dans cette mesure-là, l'œuvre d'art nous prépare une forme de désintéressement. Il y a quelque chose d'assez kantien. Hein. Tout à l'heure, on échangeait sur le fait que, effectivement, il y a le jugement de goût au sens kantien occupe une place très importante dans la théorie politique d'Arendt. Arendt dit d'ailleurs, de manière un peu paradoxale ou étonnante, que la vraie philosophie politique de Kant, elle se trouve dans sa théorie du jugement de goût, donc dans la critique de la faculté de juger. Bon, ce qui n'est pas une lecture très orthodoxe de Kant, mais elle veut dire par là que, effectivement, le jugement esthétique a un caractère éminemment politique par son désintéressement, ce que Kant évidemment met en évidence dans sa pensée esthétique, et ce désintéressement prépare à l'action, qui elle-même ne doit pas être conçue comme un moyen d'arriver à des fins, mais comme l'exercice même de la liberté humaine.

Merci Frédéric et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui Jean-Frédéric, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et la fin de notre semaine consacrée à la condition de l'homme moderne d'Arendt et demain on passe au 5e chapitre sur l'action, comment accoucher d'un monde nouveau, ce sera avec Martine Lebovici.